Bonjour. Hier, j'ai fait une vidéo, mais le son était très mauvais. Donc, je vais essayer de la refaire aujourd'hui. J'espère qu'on voit bien. C'est un genre de vidéo que j'ai pas fait depuis longtemps, mais je pense que c'est nécessaire ou que ça pourrait être utile. Sinon, je l'aurais pas fait, là. Puis, disons là que je pense que ça pourrait réellement être utile. Ce qui est arrivé, c'est que il y a un monsieur, Lucien Cerise, qui a partagé un modèle du triangle de Cartman, où il expose le conflit triangulé là, par rapport au COVID. Donc, son modèle à lui, c'est que ce qui occuperait la place du bourreau, ce sont les porteurs du virus, les victimes seraient les COVIDiots et le sauveur, la position du sauveur serait occupée par Big Pharma et le Deep State. Personnellement, je trouve que ça manque de précision. Il y aurait moyen, c'est pas que son modèle est pas bon, mais il y aurait moyen d'être plus exhaustif. Parce que le conflit triangulé, le triangle de Cartman, ne peut pas fonctionner dans un circuit fermé. Donc, mon modèle à moi, c'est que ceux qui occupent la position de victime, c'est les populations, les masses. Donc, monsieur, madame, tout le monde en général. Ce qui occupe la position de bourreau, comment c'est présenté en tant que conflit triangulé dans l'information, puis en général, le bourreau, c'est ce qui menace, qui est un danger pour les populations, les masses, monsieur, madame, tout le monde en général, c'est le virus, les COVIDiots, les complotistes. Pourquoi? Parce que vous remarquerez au niveau de la façon dont l'information est présentée, les COVIDiots sont assimilés au virus comme un danger, ou comme faisant partie du même danger. Donc, le bourreau, moi je considère c'est le virus, le coronavirus, les COVIDiots, les complotistes, tous ceux qui pensent pas comme monsieur, madame, tout le monde, qui occupent la position de victime. Ce qui occupe la position de sauveur au niveau du conflit triangulé, de la façon dont c'est présenté, c'est le gouvernement, la police, les docteurs, les vaccins, Big Pharma, la science, on pourrait dire officielle. Donc, OK, il est là, à mes yeux, le conflit triangulé. Il y a sûrement des vidéos encore sur Internet de moi qui expliquent le quadrilatère puis le pentagone. Parce que, comme je vous dis, ça ne peut pas fonctionner en tant que circuit fermé. Donc, ça prend la position de ceux qui se disent neutres et impartiaux. Et dans ce cas-ci, ce sont les juges, les tribunaux, l'OMS, l'ONU, voyez des instances comme ça. Mais ici, là, vous voyez, il va tout le temps avoir une relation s'appuie sur. Donc, mais ici, il va avoir force et part, c'est-à-dire la cinquième position, le contrôleur, dans le pentagone de domination. Et là, la position du contrôleur, c'est quoi? C'est la dette, c'est les finances internationales, le FMI, le Forum économique mondial, Klaus Schwab. OK? Donc, si on récapitule, la position de bourreau qui est vue comme le danger ou qui est assimilée comme un danger, c'est le virus, les COVIDiots, les complotistes, tous ceux qui veulent pas suivre le narratif. OK? Les victimes, c'est monsieur, madame, tout le monde, les populations, les masses. Les personnes âgées, les en CHSLD, dans les EHPAD, les jeunes dans les écoles vont être montrés comme victimes. Et même si ce n'est pas leur vrai bourreau, ceux qui occupent la position de bourreau de la façon dont l'information est présentée, c'est les complotistes, les COVIDiots et le virus. Ils sont assimilés au virus. Et ça, je trouve que c'est très important à comprendre au niveau de cette position-là. Donc ici, comme sauveur, ici, supplie. La victime va supplier quoi? Le gouvernement, la police, les docteurs, les vaccins. Ici, neutralise, élimine, bourreau. C'est-à-dire, on demande aux médecins, aux vaccins d'éliminer le virus, à la police et puis au gouvernement de faire taire les COVIDiots, les complotistes. Et vous voyez là? Et puis, tout ça serait impossible sans la position de ceux qui se disent neutres et impartiaux, c'est-à-dire les juges, les tribunaux, l'OMS, l'ONU, toutes ces des instances transnationales. Parce que le national, le côté conflit triangulé au niveau national, là, c'est un triangle. Mais tout ça est impossible sans des instances nationales et qui vont s'appuyer sur du transnational. Donc, j'espère que c'est plus clair parce que, bien franchement, là, le modèle de M. Cerise, que le bourreau, c'est les porteurs, les victimes, les covidios, puis le sauveur, Big Pharma, le Deep State. Le Deep State, il n'est pas ici. Le Deep State, il est ici. C'est très important de le voir, ça, pour avoir une vision d'ensemble de comment ça fonctionne. Parce que c'est de la géométrie. C'est un peu comme une sphère géodésique, c'est-à-dire que ces choses-là, au niveau de structures qui servent à drainer l'énergie des masses en créant des conflits, c'est un peu comme la sphère géodésique là, des États-Unis. C'est un assemblage de triangles ensemble qui vont former des formes plus complexes qui fait que le triangle de Cartman, ça ne peut pas fonctionner en circuit fermé. Il y a d'autres structures, il y a d'autres rôles qui rendent, le contexte rend ça possible. D'accord? Donc, merci.